Lorsqu'on songe à l'effet de la lumière sur la matière, la première idée qui vient naturellement à l'esprit, c'est la chaleur, le soleil sur la peau, le laser pour le découpage de précision ou la chirurgie. Eh bien, pour notre invité du jour, c'est tout l'inverse. C'est grâce à la lumière condensée qu'il a réussi à piéger des atomes, à réduire considérablement leur vitesse, et qui dit réduction de la vitesse dit baisse de la température, jusqu'à des états exotiques et quantiques qui apparaissent à mesure que l'on se rapproche du zéro absolu. C'est pour ses travaux qu'il vient d'être récompensé par la médaille d'or du CNRS. Le physicien Jean Dalibard est notre invité. Jean Dalibard est notre invité spécial pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Bonjour Jean Dalibard. Bonjour. Mille merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes absolument enchantés et ravis de vous recevoir pour cette heure d'entretien. Félicitations pour cette médaille d'or 2021 du CNRS. Je rappelle que vous êtes physicien, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Atomes et rayonnement depuis 2013. Vous dirigez également l'équipe de recherche condensa de Bose-Einstein au laboratoire Kassler-Brossels. Nous allons revenir au cours de cette heure, bien sûr, votre carrière et sur vos travaux. Ce sera dans quelques minutes, tout de suite après celle qui obtient chaque jour la médaille d'or de l'actualité scientifique quotidienne. C'est Natacha Trieu pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude parue hier dans la revue Nature, avec la découverte d'une structure stellaire la moins métallique connue à ce jour. Et si on veut observer les toutes premières structures de l'univers, ou comment les premières galaxies se forment à partir des toutes premières étoiles, il y a deux options. La première, c'est d'utiliser un télescope comme le James Webb, qui permet d'observer très loin dans l'univers au moment où les galaxies étaient très jeunes. La seconde option, c'est de regarder dans notre environnement les restes, les fossiles des structures qui s'en sont formés très tôt dans l'âge de l'univers. Et c'est ce qu'a fait cette équipe internationale. Grâce aux données du télescope Gaia, de l'ESA et de différents télescopes terrestres, ces chercheurs ont découvert, dans les parties externes de la Voie lactée, C19, un groupement d'étoiles qui sont les restes d'un amas stellaire qui s'est sans doute formé il y a très très longtemps. Car ce que les chercheurs mettent en évidence, c'est que ces étoiles ont une très faible métallicité, c'est-à-dire qu'elles contiennent très peu d'éléments lourds. Cette découverte nous ouvre une fenêtre directe sur la formation des étoiles tout au début de l'âge de l'univers. Votre homonyme, Nicolas Martin, est chargé de recherche CNRS à l'Observatoire astronomique de Strasbourg. Il a dirigé cette étude. En comparaison avec le Soleil, la fraction d'éléments lourds dans ces étoiles est de 1/2000, 1/2500 de ce que l'on peut trouver dans le Soleil. C'est important dans le sens où les générations successives d'étoiles dans l'univers s'enrichissent petit à petit, comme on le sait, on est tous faits de poussière d'étoiles, parce qu'au tout début de l'âge de l'univers, il n'y avait que de l'hydrogène et de l'hélium dans les étoiles, et c'est parce que les étoiles, à l'intérieur de leur cœur thermonucléaire, ont formé des éléments plus lourds, du fer, du carbone, de l'oxygène, de l'azote, qu'on peut trouver dans l'univers maintenant, à notre époque, beaucoup d'éléments lourds qui forment, par exemple, la Terre et nous autres. Et donc, en trouvant des objets qui ont une densité d'éléments lourds très, très, très, très faible, des étoiles qui ont très peu d'éléments lourds, en fait, on ouvre directement une fenêtre sur la formation des toutes premières structures de l'univers. C'est ce type de structure que l'on cherche depuis un moment, mais ce qui nous a vraiment surpris, c'est la très faible métallicité de ces étoiles. Si on regarde les amas d'étoiles que l'on trouve qui orbitent autour de notre galaxie, ils ont de l'ordre de 1% de la métallicité du Soleil pour les amas stellaires qui sont les moins métalliques. Et là, on est à facteur 10, encore moins métallique. Et en fait, si on regarde les modèles de formation d'amas d'étoiles au tout début de l'âge de l'univers, ils ont des difficultés à produire des systèmes de si basse métallicité. Donc il y a quelque chose que cette découverte va nous permettre de comprendre dans les années à venir, de raffiner les modèles pour essayer de comprendre comment ces toutes premières structures se forment, comment on peut construire des amas de la deuxième génération d'étoiles ou troisième génération d'étoiles. Voilà, j'en profite pour saluer tous les Nicolas Martin qui nous écoutent en France ou ailleurs. Et pour vous dire que cette étude, ainsi que toutes les études dont il va être question, d'autres liens pour compléter votre écoute de l'émission, tout ça vous pouvez le retrouver comme chaque jour sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. Selon une prépublication parue sur le site MedArchive, un nouveau variant du SARS-CoV-2 a été découvert en France. Oui, le variant B1640, qui porte 46 nouvelles mutations. Mais selon l'Organisation mondiale de la santé, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le variant ne s'est pas répandu. Depuis sa première détection en novembre, nous n'avons recensé que 12 cas dans les Alpes du Sud. Ne représentant aucun risque important, ce variant n'a pas été classé par l'OMS comme variant préoccupant. Hier, lors du salon de la technologie CES à Las Vegas, Samsung a présenté une télécommande sans pile qui se recharge avec les ondes Wi-Fi. L'année dernière, l'entreprise coréenne avait déjà créé une télécommande pour téléviseurs à énergie solaire. Cette fois-ci, c'est grâce à l'énergie des signaux Wi-Fi que ces petits appareils à faible consommation pourraient se recharger, même dans l'obscurité, grâce à une petite antenne qui capture les ondes Wi-Fi jusqu'à 40 mètres de distance d'un routeur Wi-Fi. Alors Samsung n'a pas communiqué plus de détails sur ce procédé technologique, mais il est probable que cette antenne puisse capter les oscillations électromagnétiques des ondes Wi-Fi pour les convertir en oscillations électriques. Cela permettrait d'économiser environ 99 millions de piles en 7 ans. Et enfin, la revue Molecular Biology and Evolution décrit une nouvelle méthode pour extraire de l'ADN ancien des momies. Oui, grâce aux poux. Le souci avec l'ADN humain ancien, c'est que pour l'extraire, cela implique de détruire un échantillon. Une équipe internationale a contourné cette limite grâce aux poux des momies sud-américaines, et plus précisément grâce à leur lente. Sur des momies vieilles de 1300 à 2300 ans, les chercheurs ont réussi à extraire l'ADN humain qui est préservé dans la colle des lentes que les pousses sécrètent pour fixer leurs larves sur les cheveux. La méthode s'avère en plus très efficace. Elle permet d'obtenir autant d'ADN humain ancien qu'à partir d'une dent, et même deux fois plus qu'avec un œuf spétreux. Merci beaucoup Natacha, et à demain pour le journal des sciences de la semaine. Après Louis de Broglie, c'était en 1955, Claude Cohen-Tanoudji qui a dirigé votre thèse, Alain Aspect avec qui vous avez également travaillé, on va en reparler, et l'année dernière Françoise Combes que nous avions également reçue à ce micro. Jean Delibert, vous êtes donc le dernier et le nouveau lauréat de la médaille d'or du CNRS. Je vais citer Antoine Petit, le président du CNRS, qui écrit ceci à propos de vous. Les travaux de Jean Delibert ont contribué à l'émergence des technologies quantiques par la mise au point de sources d'atomes refroidis et piégés par la lumière, ainsi que par la proposition de simulateurs quantiques utilisant ces gaz atomiques ultra-froids pour résoudre des problèmes complexes issus d'autres domaines de la physique. C'est la carrière d'un chercheur et enseignant remarquable que le CNRS souhaite distinguer en décernant sa médaille d'or 2021 à Jean Dalibard, qui a travaillé durant 30 ans au CNRS avant de rejoindre le Collège de France. La renommée internationale de ce spécialiste des atomes froids témoigne de la force et du rayonnement de l'école française de physique. Voilà pour la déclaration officielle. Et pour commencer notre entretien, Jean Dalibard, j'aimerais vous faire écouter cette archive, une voix que vous reconnaîtrez sûrement, à l'origine de vos travaux sur les atomes froids. Enfin, les travaux de M. Born sur la mécanique ondulatoire conduisaient à attribuer d'une façon certaine une signification probabiliste ou statistique à l'onde psi imaginée par la mécanique ondulatoire, tandis que les fines et suggestives analyses de M. Heisenberg et Bohr sur les relations d'incertitude et l'impossibilité de mesurer simultanément les grandeurs qu'on appelle canoniquement conjuguées ouvraient des horizons inattendus sur la portée des conceptions nouvelles de la physique quantique. Pour toutes ces raisons est née l'interprétation actuelle de la mécanique ondulatoire, et plus généralement de la physique quantique, interprétation qui, tout en admettant l'existence de manifestations corpusculaires discontinues et d'apparentes propagations d'ondes, en est arrivée à ne considérer tout l'ensemble de la théorie nouvelle que comme un pur formalisme permettant une prévision exacte de la probabilité des phénomènes observables. On ne cherche plus du tout, dans cette manière de voir, à expliquer par des images spatio-temporelles le dualisme des ondes et des corpuscules. On se borne à le considérer comme traduisant deux aspects complémentaires de la réalité physique, aspects que l'on doit constater comme un fait d'expérience, sans qu'il soit possible d'en préciser davantage la nature, ni de la représenter dans le cadre de l'espace et du temps. La voix de Louis de Broglie dans les grandes conférences, c'est en avril 1955, diffusée sur la radio diffusion française. 1955 qui est l'année de sa médaille d'or du CNRS. C'était le deuxième de l'histoire des médailles d'or du CRS. Une réaction juste à cette archive, Jean Delibar. C'est toujours émouvant d'entendre comme ça les pères fondateurs présenter la manière dont ils perçoivent leur théorie. Écouter de Broglie comme ça, c'est émouvant. Écouter Einstein ou Feynman, c'est pareil. C'est vraiment... On est en prise directe avec ceux qui l'ont créé, cette physique quantique qu'on utilise nous au quotidien. Oui. Qu'est-ce que ça fait, Jean Dalibard, dans votre vie personnelle, dans la carrière d'un chercheur, de recevoir cette médaille d'or du CRS? Comment est-ce que vous l'avez pris quand on vous a annoncé cette nouvelle? Ah, c'est plus qu'émouvant, là, je dirais. C'est assez unique comme récompense, cette médaille d'or du CRS, parce que c'est pas une récompense qui est donnée par des physiciens à un autre physicien. C'est une récompense qui est donnée par un panel qui est complètement interdisciplinaire. Il y a 10 instituts au CNRS qui vont des maths à la biologie, en passant par les sciences humaines et sociales et l'écologie. Et l'idée de se dire que c'est ces gens qui se sont mis ensemble et qui ont décidé de cette année de me distinguer, je suis très fier parce que au-delà des résultats scientifiques que j'ai pu avoir avec mon équipe, c'est plus une méthode scientifique, je trouve, qui est récompensée, plus que des résultats particuliers. Et je trouve que c'est ça qui fait le caractère vraiment unique de cette médaille d'or. Vous soulignez souvent, Jean Dalibard, dans les entretiens que vous donnez, l'importance que vous accordez vous-même et qu'a eu dans votre carrière l'enseignement. Oui. Pour moi, enseigner, c'est vraiment une activité qui est complètement complémentaire de la recherche. C'est-à-dire que c'est pas sens unique, c'est pas que je cherche d'abord et puis ensuite j'enseigne ce que j'ai cherché, c'est que quand je prépare un cours, je me pose des questions que le public pourrait être amené à me poser, et ça irrigue la recherche, donc c'est vraiment un phénomène de va-et-vient. Pour moi, les deux progressent ensemble, c'est-à-dire que quand un cours est réussi, en général, c'est qu'il suscite des questions pour ma recherche ultérieure, et réciproquement. Et avant de rentrer dans votre carrière, je vais vous poser une question au débotté. Alors c'est peut-être une question que je vous pose maintenant, vous pouvez y répondre tout de suite ou plus tard, parce que ça demande peut-être un peu d'archéologie mémorielle, mais quel est aujourd'hui le souvenir qui vous tient le plus à cœur de votre longue carrière de chercheur et d'enseignant? Est-ce qu'il y a un moment que vous chérissez particulièrement et que vous voudriez partager avec nous? Bon, je ne sais pas s'il y a un seul moment. J'ai fait à la fois de la théorie et de l'expérience, et c'est des plaisirs très très complémentaires quand vous faites des expériences. Bah, parfois, il y a une belle image qui apparaît sur votre écran, une photo d'un nuage d'atomes. Je me souviens quand on a mis les premiers nuages d'atomes en rotation et qu'on a vu des tourbillons quantiques. On y reviendra peut-être. C'était vraiment ça, un grand moment de voir ces tourbillons apparaître alors que d'autres les avaient cherchés sans les trouver. Nous, on les cherchait, mais bon, on se disait que si on avait de la chance, on y arriverait, mais on n'était pas du tout sûr. Et brusquement, la photo apparaît, ça c'est un grand moment. Il y a d'autres plaisirs qui sont des plaisirs quand on fait de la théorie où on tourne autour d'un problème, on sent qu'on a presque la solution, et puis, mais ça marche pas vraiment. Et puis brusquement, bah, c'est un peu comme un puzzle où enfin on tourne la pièce qui bloquait tout. Et là, on a une idée, une image cohérente du phénomène sur lequel on se penchait depuis plusieurs mois. Donc ça, c'est un autre type de plaisir, mais tout aussi grand. On va continuer, on va examiner justement cette carrière, les différents points de passage, ce sur quoi vous avez travaillé, ceux avec qui vous avez travaillé. Jean Dalibard est notre invité tout au long de cette heure. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Jean Dalibard, vous ne couperez pas une question que j'aime souvent beaucoup poser aux chercheuses et aux chercheurs que je rencontre, qui est une question qu'on pose usuellement plutôt aux artistes ou aux créateurs, mais en quelle mesure les scientifiques ne sont pas également des artistes et des créateurs? Les limites sont parfois, comme je le disais tout à l'heure, assez ténues. C'est la question de la vocation. C'est-à-dire, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une vocation aux carrières de chercheurs en sciences? Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez eu à un moment donné une vocation? Qu'est-ce qui l'aurait déclenché? Donc je vais répondre pour moi. Hein. Je vais pour vous, faire, bien sûr. Je ne vais pas faire une réponse universelle. Pour moi, je pense que j'ai toujours voulu faire un travail qui était en lien avec les sciences et techniques. Je suis plus parti du côté de la technique. Je ne suis pas issu d'une famille de scientifiques. Donc moi, ce que je voyais, c'était la technique autour de moi. Je cite de temps en temps mon grand-père Meunier qui avait ce moulin à eau qui était un objet fantastique. Enfin, les moulins sont des objets fantastiques où il y a des centaines d'engrenages, et comment est-ce que le cours d'eau d'une rivière se transforme en mouvement d'une meule, c'est vraiment quelque chose qui est remarquable. Et donc, voyons cette technologie-là, moi j'avais toujours envie de faire un travail qui serait en prise avec la technologie. Et puis ensuite, progressant dans mes études, j'ai quitté de plus en plus les choses technologiques à proprement parler pour m'orienter vers des choses plus fondamentales, mais je dirais la ligne directrice est quand même assez bien rectiligne, malgré tout. Vous dites dans une interview à ce propos, Jean Dalibard, je trouve ça assez amusant, vous dites « Je fais partie de la génération qui avait une dizaine d'années quand l'homme a marché sur la Lune. J'aurais voulu être dans la salle de contrôle de la NASA. Je rêvais moins de marcher sur la Lune que de construire ces machines qui ont envoyé des hommes. » Oui, c'est effectivement, c'est en ligne avec ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait vraiment quand j'avais une dizaine d'années, c'était de construire des choses. Je construisais des petites fusées que je lançais, je construisais des petits bricolages électroniques. Et évidemment, dans les années 69-70, envoyer l'homme sur la Lune, c'était quand même le plus bel exemple de technologie qu'on puisse imaginer. Et donc, c'était ça qui m'intéressait, c'était les hommes et les femmes qui avaient conçu ces fusées. Je n'étais pas très casse-cou, donc à la place d'Armstrong, ne me plaisait pas plus que ça. Vous passez votre agrégation à l'École normale supérieure en 1981 et vous commencez à travailler avec Alain Aspect sur l'expérience qui va démontrer la violation des inégalités de Bell. On peut peut-être en redire un mot. Ma question, c'est qu'est-ce qui vous oriente immédiatement justement vers ce champ de la physique quantique? Est-ce que c'est une fois de plus des rencontres? Comment est-ce que vous commencez à rentrer dans ce champ de recherche-là, Jean Dalibard? Oui, j'étais fasciné par la physique quantique. Effectivement, quand je suis rentré à l'École normale, on avait des cours. Enfin, j'avais des cours de Claude Cottanucci, des cours de Serge Haroche, et ça a vraiment orienté ma trajectoire. C'est-à-dire, une fois que j'ai vu ça, je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Mmh. Et j'ai eu la chance de rencontrer Alain Aspect à ce moment-là, qui cherchait des bras pour monter son expérience. Enfin, elle était déjà bien montée, mais pour la finaliser et ensuite la faire fonctionner. Et ça a été une rencontre, évidemment, qui a joué un rôle crucial dans ma carrière. Et oui, j'étais vraiment très, très heureux de pouvoir participer à cette manip, qui à l'époque était assez confidentielle, il faut bien le dire, et qui maintenant est qu'on trouve dans tous les livres de cours. Comment est-ce que vous expliqueriez cette attirance, cette passion pour la physique quantique? Pourquoi la physique quantique plutôt que la physique théorique, plutôt que la cosmologie, plutôt que l'astrophysique, plutôt que la relativité générale? Est-ce que vous pourriez retrouver cette envie qui vous a animé ou cette curiosité qui vous a animé sur ce sujet-là en particulier? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'abord la rencontre avec des professeurs. Je citais Claude Cottanucci et Serge Haroche pour commencer. Et je crois beaucoup à l'influence d'un professeur particulier. C'est-à-dire que peut-être que si j'avais rencontré Claude Cottanucci ou Serge Haroche décrivant de l'astrophysique, peut-être que je serais devenu astrophysicien. Mais au-delà de ça, ce qui me fascinait et ce qui me fascine toujours dans la mécanique quantique, c'est l'aventure intellectuelle que ça représente. C'est-à-dire que comment, en partant de quelques faits qui manifestement étaient en contradiction avec la physique classique, on a pu construire une théorie aussi belle, aussi performante, aussi surprenante. C'est-à-dire je continue à être surpris par la physique quantique. C'est ça qui est remarquable, c'est que finalement, avec une économie de moyens au départ, on construit quelque chose de si radicalement différent de ce à quoi on était habitué avant. C'est ça qui me fascine toujours dans cette théorie. Je parlais au tout début du lien qu'il peut y avoir entre les sciences et les humanités, ou en tout cas entre la création artistique et les sciences. Vous dites, Jean Dalibard, et j'aime beaucoup cette citation, « La poésie est une manière de décrire des choses autrement qu'avec de la simple prose. La physique quantique est une manière de décrire la réalité différente de ce qu'on peut appréhender naturellement avec nos sens. » Le point commun pour moi est donc cette manière de regarder la réalité qui n'est pas la manière spontanée, mais une manière un peu détournée. Oui, c'est ça, c'est Bertrand d'Espagnac qui dit ça, c'est un réel voilé, il s'agit de le dévoiler tant bien que faire se peut pour avoir accès à ce que la nature nous dit. Mais la nature nous le dit de manière voilée, effectivement. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une approche poétique de la conception du réel, est-ce qu'on pourrait le définir comme ça? Une poétique de la mécanique quantique. Oui, est-ce qu'il y a une poésie? Disons que si on définit la poésie comme la manière d'arranger les mots pour se faire plaisir, eh bien, effectivement, là, je dirais que quand on fait de la physique quantique, on arrange les mots, les symboles mathématiques, et il y a un vrai plaisir à la fin, au moins pour les initiés. Alors, vous l'avez cité, hein, Claude Cohen-Tanucci, vous rejoignez son équipe pour travailler sur les interactions matière-rayonnement et manipulation d'atomes par laser dans le laboratoire de spectroscopie hertzienne de l'École normale supérieure, où vous allez par ailleurs contribuer à la création de la méthode de refroidissement d'atomes par laser dite sous le recul du photon, qui vaudra à Claude Cohen-Tanucci le prix Nobel en 1997. Racontez-nous un peu cette époque, parce que bon, à l'aspect, Claude Cohen-Tanucci, on est vraiment dans cette école française de la physique quantique dans les années 80 qui va produire des prix Nobel à gogo et une recherche extrêmement vrombissante. Oui, ben, déjà dans les années 80, c'était beaucoup plus confidentiel que ça n'est maintenant, hein, il faut bien le dire. Donc effectivement, quand en 82, je crois que Claude Cohen-Tanucci m'a proposé de faire une thèse sur ce sujet du refroidissement d'atomes par laser, qui était vraiment balbutiant à l'époque. On avait su piéger des ions, mais c'était tout. Les atomes neutres, on ne savait pas du tout les ralentir, les refroidir. Et donc au début, on a tâtonné, on a cherché on a fait plutôt de la théorie, jusqu'à ce qu'Alain Aspect vienne nous rejoindre en 1984, et puis Christophe Salomon l'année d'après en 85. Donc on a d'abord fait de la théorie, puis on a, grâce à Alain et Christophe, on a pu monter un petit groupe expérimental. Et comme je dis, c'était vraiment très confidentiel, c'est-à-dire qu'il y avait des conférences malgré tout. En général, les conférences, elles étaient plutôt en Finlande, parce que ça permettait d'avoir à la fois les Américains et les Russes, qui venaient, enfin les Soviétiques à l'époque, qui venaient. C'était un terrain neutre, donc on pouvait se retrouver. Et on était 25-30 à la conférence, c'était pas Woodstock, hein, donc c'était... Et ça représentait tous les groupes qui travaillaient dans le monde là-dessus. Et c'était vraiment une époque amusante, parce que tout était à inventer. Je trouve que j'ai eu cette grande chance, et que je souhaite à tous les jeunes chercheuses et jeunes chercheurs de vraiment assister à l'éclosion d'un champ de recherche, c'est-à-dire partir de quelques principes et puis voir comment est-ce que ce qu'on développe après diffuse dans le monde entier en quelques années ou une dizaine d'années. On reviendra tout à l'heure sur ces fameuses conférences en Finlande, puisqu'il paraît, la légende en tout cas raconte que c'est lors d'une de ces conférences à Helsinki que vous avez griffonné un petit schéma sur un coin de papier qui a donné lieu à l'une de vos contributions majeures justement dans l'étude des atomes froids. Peut-être, Jean Dalibard, faut-il maintenant repréciser quelques petites choses. Je le disais dans l'introduction de cette émission, refroidir des atomes au laser, c'est assez, comme souvent en mécanique quantique, contre-intuitif. Le laser, on a plutôt tendance à penser que la lumière, ça réchauffe. Racontez-nous un peu ce que c'est que ce refroidissement des atomes par laser et comment on arrive sur tout le champ de recherche qui a été le vôtre, c'est-à-dire la diminution d'énergie des atomes pour arriver à des états exotiques et quantiques de la matière. Alors, il y a plusieurs mécanismes pour refroidir les atomes par la lumière. Peut-être celui que je peux décrire, qui est un qu'on a développé avec Claude Cohen-Tanucci, c'est ce qu'on appelle l'effet Sisyphe. Le refroidissement de Sisyphe. Oui. Le refroidissement Sisyphe, voilà. Alors Sisyphe, je rappelle, c'est ce héros mythologique qui avait été condamné à pousser sans cesse un rocher vers le sommet d'une montagne. Et puis à chaque fois que le rocher arrivait au sommet, le rocher retombait au fond de la vallée et Sisyphe devait de nouveau pousser son rocher. Il avait été condamné à ça parce qu'il avait été impertinent envers les dieux, ce qu'il ne faut jamais faire, bien sûr. Alors nous, nos atomes, on va les mettre dans une situation proche du rocher de Sisyphe, c'est-à-dire que on va réaliser pour ces atomes un paysage lumineux. Donc, on envoie des faisceaux lumineux qui réalisent un paysage. Ce paysage, c'est donc des collines et des vallées, tout comme ce qu'avait Sisyphe en face de lui. Et on va mettre l'atome dans une situation où il arrive avec une certaine vitesse dans ce paysage. Il va monter une colline. Et puis, une fois qu'il arrive en haut de la colline, la lumière va le prendre pour le mettre au fond d'une vallée. Et donc, l'atome a perdu un peu d'énergie cinétique. Et puis, il recommence à escalader une colline. Puis, de nouveau, il est placé au fond d'une vallée. Donc, l'atome passe son temps à monter des collines, à gravir des collines sans jamais descendre la pente qui suit. Et très rapidement, son énergie cinétique est dissipée et il finit épuisé au fond d'une vallée. Et donc, il est comme ça piégé par la lumière, en quelque sorte, puisqu'il est dans une vallée entourée de collines que la lumière a créée. Donc ça, c'est pour un atome unique. L'atome, donc, puisqu'il est lent, est devenu froid. Et c'est là que M. De Broglie, qu'on entendait au début de l'émission, intervient. C'est-à-dire que De Broglie avait expliqué qu'à chaque particule matérielle, on doit associer une onde. Et il y a une formule qui est due à De Broglie qui nous dit que la longueur de cette onde, la longueur d'onde, est d'autant plus grande que la vitesse est basse. Donc refroidir les atomes, c'est leur donner une grande longueur d'onde. Donc finalement, rendre les processus ondulatoires plus évidents, puisque si la longueur d'onde est grande, on va pouvoir voir que l'objet est quantique. Et donc, c'est comme ça qu'arrive la matière quantique, c'est-à-dire qu'on a, si on a beaucoup d'atomes refroidis dans ce paysage de collines et de vallées, chaque atome a sa longueur d'onde qui devient de plus en plus grande, les différentes longueurs d'onde commencent à se recouvrir, et c'est là que la matière quantique émerge. On va discuter de cette matière quantique, de ces états quantiques de la matière, et notamment du condensat de Bose-Einstein dans un instant. Peut-être qu'on peut dire un mot, parce que... Tout ça, encore une fois, n'est pas évidemment très, très naturel ni très simple à envisager. Certaines expériences, les premières, ont eu lieu sur des atomes de sodium. Et je disais que pour pouvoir refroidir des atomes de sodium, donc pouvoir augmenter cette longueur d'onde, puisqu'on change de longueur d'onde en fonction du spectre de l'atome en question, il faut éclairer un atome à rebrousse-poil. Ah, alors ça, c'est effectivement... Quand les atomes, quand on veut produire des atomes de sodium, en général, on les place dans un four. Le sodium, c'est métallique, hein, c'est un petit bout de métal. Donc, on place ces atomes de sodium dans un four, on chauffe le four, il y a un jet de sodium qui se produit, et là, les atomes vont assez vite. Ils vont à, disons, 1000 mètres par seconde, typiquement, associés à la température du four, qui est de quelques centaines de degrés. Et donc, ces atomes-là, ils vont vraiment beaucoup trop vite pour que l'effet Sisyphe puisse servir à quelque chose. Donc, il faut d'abord diminuer leur vitesse. Et pour diminuer leur vitesse, là, on utilise un autre effet de la lumière. Ce n'est pas l'effet Sisyphe, c'est ce qu'on appelle la pression de radiation. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui est très vieux. Hein. C'est Kepler qui l'avait pressenti au début du XVIIe siècle pour expliquer l'orientation de la queue des comètes par rapport au Soleil. Et donc, on va effectivement envoyer un faisceau lumineux laser à rebrousse-poil, c'est-à-dire en sens contraire de la direction du jet atomique, pour que les atomes soient décélérés par la lumière, exactement comme vous pourriez décélérer une balle de tennis en l'éclairant avec un jet d'eau, finalement. Voilà. C'est intéressant, vous pouvez juste préciser, parce qu'effectivement, cette pression de radiation, Kepler l'a pressé en 1607, et juste, vous pouvez nous raconter cette histoire des comètes, parce que c'est assez passionnant que Kepler ait une intuition au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, de quelque chose qui va être confirmé des siècles plus tard par la mécanique du microscopique, oui, la mécanique quantique. C'est une magnifique intuition de Kepler. Ouais. Les comètes, à l'époque de Kepler, étaient des objets qui étaient mystérieux, voire maléfiques. Ils étaient vus comme des signes annonciateurs de grandes catastrophes. Et donc Kepler, lui, regarde ces comètes, et il constate que la queue de la comète est toujours à l'opposé du noyau de la comète par rapport au Soleil. Donc je m'explique, quand la comète arrive depuis l'extérieur du système solaire vers le Soleil, la queue de la comète est derrière le noyau de la comète, un peu comme une longue chevelure dans une voiture décapotable. mais ensuite, la comète tourne autour du Soleil puis repart vers l'extérieur du système solaire. À ce moment-là, la queue précède la comète. Et donc, Kepler explique que la moyen d'expliquer ça, c'est que la queue est composée de petites poussières qui sont arrachées par la lumière du Soleil du queue de la comète. Et ensuite, la lumière pousse ces petites particules vers l'extérieur du système solaire. C'est pour ça que la queue de la comète est toujours opposé au noyau par rapport au Soleil. Et donc cette pression de radiation, à l'époque c'était la lumière du Soleil, elle n'était pas bien intense, mais une fois que les lasers se sont développés, en particulier les lasers accordables, c'est-à-dire des lasers dont on peut choisir la couleur très précisément. Et donc la longueur d'onde. Donc la longueur d'onde. Là on a pu donc agir sur l'atome de sodium en envoyant de la lumière jaune, bien avec juste le bon jaune des lampes à sodium, exercer des forces considérables sur ces atomes. Et donc, l'étape suivante, c'est ce qu'on appelle la mélasse optique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Jean Dalibard, ce que c'est que cette mélasse optique? Donc, la mélasse optique, ça rejoint l'effet Sisyphe que je disais tout à l'heure. Donc là, maintenant, nos atomes sont beaucoup plus lents. Ils vont à quelques mètres par seconde ou quelques dizaines de mètres par seconde seulement, par opposition aux 1000 mètres par seconde dont je parlais en sortie du four. Et là, à ce moment-là, eh bien, on va envoyer non pas un faisceau, comme par exemple le Soleil sur la comète, mais 6 faisceaux sur l'axe X, disons, on va envoyer un faisceau qui se propage dans plus X et puis l'autre en moins X, donc 2 faisceaux tête-bêche, même chose sur la deuxième direction de l'espace, même chose sur la troisième. Donc les atomes sont éclairés de tous les côtés à la fois. C'est là que le paysage lumineux avec des collines et des vallées peut être réalisé, le paysage dont je parlais tout à l'heure. C'est là que l'effet Sisyphe prend sa place et c'est là que les atomes sont vraiment refroidi à des températures très basses. Et quand je dis très basse, c'est vraiment très bas. Hein. On compte la température en degrés au-dessus du zéro absolu. La température dans cette pièce, c'est de l'ordre de 300 degrés Kelvin. Kelvin, voilà, au-dessus du zéro absolu. Et les températures dont on parle dans ces mélasses optiques, suite à l'effet Sisyphe, c'est des températures qui font un millionième de Kelvin. Donc, des températures qui sont pratiquement 1 milliard de fois plus basse que les températures ambiantes. Donc voilà, les atomes sont vraiment très très lents. Ils bougent à la vitesse d'un escargot pas pressé. C'est ce qu'on appelle un piège, c'est de cette façon-là dont on piège les atomes, c'est ce qui nous conduit doucement mais sûrement vers le piège magnéto-optique que vous avez contribué à créer, on en reparle dans un instant. Well, the teacher says we ought to know all about the atom from a head to toe. Now let us think, what can we say about the tiny little atom as we know it today? We know it's round and full of space, with electrons swinging around the nucleus. The electrons swinging around the nucleus. In the nucleus of the atom, boy, there's fun. Protons are dancing with the neutron. For each little electron swinging in space, you gotta have a proton in the nucleus. The proton's positive, the neutron none. The electron is a negative one. The electron is a negative one. You'll be my electron every day, and I'll be your proton. Oh, what do you say? We'll orbit out on that hardwood floor, and that's all night and then some more. Come on, baby, listen to me. That rock and roll atom's getting through to me. That rock and roll atom's getting through to me. That rock and roll atom's going round. He's spreading knowledge all over town. So it makes no difference where you shake or stroll. You can learn about the atom as you rock and roll. Now instead of Cupid shooting his darts, he shoots a rock and roll atom right through your heart. Rock and roll atom right through your heart. Red McCoy with the Son of the Soils, Rock'n'Roll Atom à 16h32 sur France Culture. Oui, on fait rock'n'roller les atomes avec Jean Dalibard tout au long de 7h. Jean Dalibard, physicien, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Atomes et Rayonnement, également directeur de l'équipe de recherche condensate Bose-Einstein au laboratoire Kastler-Brossel et médaille d'or du CNRS 2021. Nous nous étions arrêtés au piège magnéto-optique. Contrairement à ce que vous pouvez croire quand on entend pour la première fois ce terme, ce n'est pas une arme de science-fiction qui immobilise des vaisseaux spatiaux dans le cosmos pour les attirer dans un piège diabolique. C'est beaucoup plus utile que ça. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour Jean Dalibard, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes rendu Antoine au Collège de France pour comprendre eh bien, comment fonctionnent ces pièges magnéto-optiques et à quel point ils sont importants dans l'étude des atomes froids. Oui, et c'est Jérôme Beugnon qui est maître de conférence à Sorbonne Université et chercheur au laboratoire Kastler-Brossel qui m'a expliqué ce qui se cache derrière cet enchevêtrement de laser et de miroir qui compose avec une chambre à vide ce piège magnéto-optique. Ce dispositif, comme vous allez l'entendre, permet de ralentir les atomes et ce faisant de les refroidir, ce qui permet l'étude fine du comportement quantique des gaz. Mais ce piège magnéto-optique a d'autres applications. Il a également permis des avancées très précieuses dans le domaine de la métrologie et donc de la mesure du temps. Alors le piège magnéto-optique, c'est une invention qui date des années 80. C'était l'époque où, grâce à l'arrivée des lasers, on a pu commencer à manipuler le mouvement des atomes via la lumière. Donc c'est l'idée de ce qu'on appelle la pression de radiation. C'est l'idée que la lumière peut agir sur le mouvement de la matière. Et le piège magnéto-optique combine un agencement de faisceaux laser et de champs magnétiques, comme son nom l'indique. On a un système qui va attraper des atomes, les refroidir, les amener à très basse température, tout ça avec un arrangement qui est relativement simple. Et dans les recherches que l'on fait aujourd'hui dans notre laboratoire, ce piège magnéto-optique est l'élément de base, c'est la source d'atomes froids qui nous permet après, plus tard, de rentrer dans le régime quantique. J'aimerais qu'on aille voir un petit peu ce dispositif-là, puisqu'on en parle, et que c'est l'instrument principal de ce laboratoire, en tout cas de nombreuses expériences menées ici. Si vous voulez bien, je vais vous suivre, et puis on va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, on vient d'entrer dans une salle un peu particulière avec ce qu'on appelle, si je ne me trompe pas, une table optique, c'est ça ? Exactement. Décrivez-moi un petit peu ce qu'on a sur cette table. C'est très brouillon d'extérieur, d'apparence. J'imagine que tout est calibré au millimètre près. Expliquez-moi ce qu'on voit là. Alors, la premier élément pour faire de la physique des atomes froids et donc un piège magnéto-optique, c'est d'abord de disposer d'un système à vide. Quand on est dans le régime des températures extrêmes, que ce soit de la très basse température, et c'est vrai aussi pour les très hautes températures, on n'a pas de contenant, on ne peut pas mettre notre gaz dans une poule en verre quelconque, puisque notre système thermaliserait avec les parois de notre contenant et on ne pourrait pas travailler. Donc on a ici une cellule en verre à l'intérieur de laquelle on va obtenir un vide très poussé. Donc on est dans le régime du millionième de la pression atmosphérique. C'est grosso modo ce qui se fait de mieux en termes d'ultra-vide. Et pour donner peut-être des chiffres qui sont plus faciles, ça correspond au fait que les atomes dans cette cellule à vide ne vont pas interagir avec les atomes de la vapeur ambiante plus d'une fois par minute. Donc un atome ne va pas collisionner avec la vapeur ambiante sur plusieurs dizaines de secondes, l'ordre de la minute, alors que quand on regarde le gaz qui est l'atmosphère autour de nous, eh bien, on va avoir des interactions toutes les nanosecondes, toutes les milliardièmes de secondes. Donc on isole comme ça notre système sous vide. Ça, c'est la première étape. Et après, autour de ce système à vide, on va d'une part amener un champ magnétique qui va être généré par des bobinages de cuivre qu'on enroule. Donc par exemple, une configuration simple, c'est de mettre, on peut imaginer, une bobine en dessus du système à vide, une bobine en dessous, et on fait passer des courants opposés dans la bobine du haut et dans la bobine du bas. Et ça, ça va créer un zéro du champ magnétique au centre du système à vide. Et notre piège magnéto-optique va être centré sur ce zéro de champ magnétique. Deuxième étape, on amène des faisceaux laser. Donc les faisceaux laser, c'est en fait les mêmes, dans cette expérience de rubidium, sont les mêmes lasers que ceux qu'on utilise par exemple dans un lecteur DVD. Et ces lasers, on va amener une configuration simple, c'est d'amener 6 faisceaux laser sur ce système à vide. Donc par exemple, on peut prendre une paire de faisceaux laser vertical, donc qui se propagent avec un sens opposé. Et puis dans le plan, on va mettre 2 paires de faisceaux qui s'opposent aussi, pour agir sur les atomes de ce piège magnéto-optique. Donc tout l'appareillage expérimental qu'on voit autour a pour but d'amener ces faisceaux laser à la bonne couleur, la bonne longueur d'onde, à la bonne intensité sur ce système à vide pour piéger les atomes. À quelle vitesse et à quelle température, puisque vous parliez de température extrêmement basse, sont ces atomes qui sont piégés ici ? En physique, on repère les températures non pas par rapport au 0 degré Celsius auquel on est habitué, mais par rapport au 0 degré Kelvin, qui correspond donc au zéro absolu, à peu près moins 273 degrés. Et ce zéro correspond à l'absence d'agitation thermique dans un système, c'est-à-dire que les particules ne bougent plus à cause de leur température fine. Nous, dans une expérience d'atomes froids, on va être à ce qu'on appelle le micro-Kelvin, c'est-à-dire un millionième de degré au-dessus de ce zéro absolu. Pour visualiser un petit peu, on peut parler en vitesse. Les vitesses des particules dans le gaz qui est l'atmosphère autour de nous, ça va être des centaines de kilomètres heure, la vitesse d'une voiture de course, alors que la vitesse des atomes dans un piège magnéto-optique, ça va être de l'ordre du centimètre par seconde, ce qui correspond donc à la vitesse d'un escargot, essentiellement. Quelles questions vous vous posez et auxquelles vous cherchez d'obtenir des réponses grâce à cet instrument ? Alors, il y a deux grandes directions, on va dire. La première direction, c'est celle de servir d'un réservoir d'atomes froids pour aller encore plus loin vers le régime des basses températures et explorer donc la physique des gaz quantiques, où les effets quantiques sont importants. Dans un piège magnéto-optique, le mouvement des atomes est complètement classique, donc il y a très peu d'effets quantiques dans ce système-là. Donc il y a cet aspect brique de base pour aller plus loin. Sans ce piège magnéto-optique, il n'y aurait pas de physique des gaz quantiques aujourd'hui. Et l'autre aspect qui est important de citer, c'est celui de la métrologie. Donc la métrologie, c'est l'idée de faire des mesures de précision sur les systèmes, et le piège magnéto-optique est très bien pour ça. Et donc une des applications les plus importantes aujourd'hui, c'est celle des horloges atomiques, qui est le système qui permet de définir le temps de façon universelle à l'échelle de la planète, et ces horloges optiques qui sont construites à base d'un piège magnéto-optique. Combien d'atomes finalement sont possiblement piégés dans un piège tel ? Alors le piège magnéto-optique standard, on cherche souvent avoir le maximum d'atomes dans ces systèmes-là. Donc typiquement, on va faire des systèmes qui ont 1 milliard d'atomes. Par rapport à l'atmosphère, ce sont des systèmes qui sont beaucoup plus dilués. Pourquoi ? Puisque quand vous prenez un gaz ambiant et que vous le refroidissez, bien, a priori, vous formez un liquide et non pas un gaz éventuellement quantique. Donc il faut avoir des systèmes très dilués. Donc dans ce volume du centimètre cube, on va avoir quelques milliards d'atomes. Mais ça, c'est le régime standard. Mais on peut descendre dans des régimes. Donc il existe des groupes qui ont descendu la manipulation des pièges magnétoïques jusqu'à un seul et unique atome. Et il y a tout un domaine de recherche aujourd'hui qui est basé sur la manipulation d'atomes un par un pour faire des simulateurs quantiques et qui utilise le refroidissement laser en général, en pratique. pas de piège magnétoptique, seulement la force de pression de radiation. Voilà le piège magnéto-optique du laboratoire Kastler-Brossel, comme si vous y étiez. Jean Dalibard, je vous laisse réagir à ce reportage, à ce que vous venez d'entendre. C'était très... C'est votre bébé, ce piège magnéto-optique. Oui. C'était, c'était mon idée, oui. Disons que la genèse de l'idée était assez amusante, en fait, parce que à l'époque... Si je peux... Je vous en prie. Oui. Je vous en prie. En fait, je ne cherchais pas du tout à piéger les particules. On connaissait les mélasses optiques et je cherchais à faire des mélasses plus froides que celles qu'on connaissait. Donc je m'étais dit que ce serait une bonne idée si les atomes, on pouvait les mettre dans le noir au centre de la mélasse, que les atomes ne voient la pression de radiation justement que sur les bords, mais qu'au centre, ils soient dans le noir. Donc c'est pour ça que je m'étais dit, bah, tiens, on pourrait rajouter des bobines de champ magnétique dont parlait Jérôme Beugnon à l'instant, qui déplacerait les niveaux d'énergie de l'atome, c'est ce qu'on appelle l'effet Zeeman, qui ferait que les atomes donc ne seraient plus en résonance avec la lumière quand ils sont au centre de cette géométrie. Et ça marchait pas. Je faisais des calculs, ça marchait pas. Je trouvais pas des températures plus basses, mais en revanche, j'avais trouvé que ça piégeait. Et quand donc une de ces conférences en Finlande, justement, oui, un des chercheurs américains est venu, a fait une présentation en disant « Ah, ce serait bien si on pouvait piéger les atomes ». J'ai dit bah, « Moi, j'ai une solution. Elle ne fait pas le froid que j'espérais, mais au moins, elle piège. » Et ils l'ont essayé et ça a marché, effectivement, dans leur laboratoire. Donc, voilà. Et ils ont été gentils de me remercier pour l'idée. Voilà. C'est cette fameuse légende que j'évoquais tout à l'heure en disant que vous avez fait un dessin sur un coin de table en disant « Voilà, oui. À Helsinki ». Alors c'est intéressant cette histoire finalement c'est le fait de trouver quelque chose en cherchant autre chose, c'est la grande histoire. Oui, des découvertes scientifiques. C'est très récurrent. Oui. C'est très récurrent. Alain Aspect disait de vous ceci, Jean Dalibard avait un talent qui est nécessaire aux expérimentateurs, être capable de maîtriser à la fois les techniques expérimentales les plus complexes tout en trouvant de temps en temps des solutions très simples comme par exemple découper un bout de carton pour en faire un cache. Il a cette capacité d'aller du plus sophistiqué au plus simple, c'est ce qui le caractérise et qui fait qu'il est un professeur extraordinaire. Ouais, Alain est très gentil. Non, mais l'aspect bout de carton, ça, je dirais que ça fait partie de mon enfance, c'est-à-dire c'est le bricolage que je faisais dans l'enfance. Effectivement, je construisais des choses avec des bouts de carton, donc il n'y a pas de raison de s'arrêter quand on est adulte. Alors, on va poursuivre votre carrière et vos travaux de recherche, Jean Dalibard. Vous avez beaucoup travaillé sur quelque chose, sur un état de la matière particulier dont nous avons déjà parlé à ce micro, mais vous allez nous rappeler exactement ce que c'est, les condensats de Bose-Einstein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, les condensats de Bose-Einstein, ben c'est finalement l'alliance de ce que De Broglie proposait, c'est-à-dire l'onde associée à chaque particule, et puis ce qu'Einstein a trouvé, c'est-à-dire une transition de phase, à savoir quelque chose qui se produit brutalement quand on met assez d'atomes ensemble. Donc c'est un phénomène collectif. L'idée, c'est que quand on refroidit assez une assemblée d'atomes, eh bien... toutes les ondes de Broglie vont pouvoir se mettre en phase, c'est-à-dire qu'au lieu d'osciller chacune de leur côté sans aucune relation les unes avec les autres, eh bien il y a un seuil de en termes de densité d'atomes et de température, en dessous duquel, du point de vue de la température, toutes les ondes se mettent en phase, un petit peu à la manière des photons dans un laser. Quand vous avez un laser, eh bien tous les photons ont la même couleur, tous les photons ont la même direction, tous les photons ont la même polarisation, donc toutes les ondes sont en phase les unes avec les autres, les ondes lumineuses. Eh bien, pour la matière, il se produit le même phénomène. Le mécanisme n'est pas exactement le même, mais je pense que c'est une bonne idée de faire l'analogie entre ce qui se passe dans un gaz qu'on refroidit suffisamment, avec suffisamment d'atomes, et puis ce qui se passe dans un laser. Et il faut préciser que ce condensat de Bose-Einstein, sur lequel vous travaillez, puisque je rappelle que vous dirigez toujours l'équipe de recherche condensat de Bose-Einstein au laboratoire Kastler-Brossel, dont on parlait à l'École normale supérieure, la matière dans cet état-là a des caractéristiques très intéressantes et sur lesquelles on continue à faire beaucoup, beaucoup de recherches et dont vous allez nous parler. Oui, bien sûr. Disons que le fait que les ondes de matière soient toutes en phase les unes avec les autres, ça amène à la matière des propriétés tout à fait spectaculaires, très différentes d'une matière ordinaire où justement les différentes ondes associées à chacune des particules seraient décorrélées les unes des autres. Je parlais tout au début de l'émission de ces tourbillons. Eh bien, les tourbillons quantiques dont je parlais, c'est précisément ça. C'est répondre à une question. Comment est-ce qu'une onde de matière géante, donc cette onde de matière macroscopique, quand toutes les particules se sont mises en phase, comment est-ce que cette onde de matière géante peut tourner? Et en fait, ce qu'on peut montrer, ça avait d'abord été pressenti par quelqu'un comme Feynman, que je citais, et puis vu sur de l'hélium liquide, mais pour les condensats de Bose-Einstein gazeux qui sont très très purs, si je puis dire, c'était quelque chose qu'on cherchait, donc qu'on a observé, c'est que si vous cherchez à faire tourner une onde de matière géante avec un petit agitateur, eh bien, ça va pas du tout être la même chose que quand vous faites tourner votre tasse de café avec une cuillère. Ce que vous observez, c'est que d'abord, si vous tournez pas assez vite, rien ne se passe. Et ça veut dire que l'onde de matière géante est en fait décrit un état superfluide, c'est-à-dire que le petit agitateur, s'il bouge pas assez vite, ben l'onde de matière géante l'ignore complètement. Et puis quand elle accepte finalement de se mettre à tourner, parce que l'agitateur tourne assez vite, eh bien, elle se met à tourner en mettant des tourbillons, en faisant apparaître des tourbillons au sein de l'échantillon atomique. Ces tourbillons sont tous identiques les uns avec les autres, ils s'ordonnent en faisant un très beau réseau régulier. Et ça fait partie de mes très bons souvenirs de recherche quand on voit ces photos de tourbillons dans un nuage d'atomes qui sont la signature donc de cette onde de matière géante qui a enfin accepté de tourner parce qu'on avait pris cet agitateur à la bonne vitesse. C'est-à-dire quelle vitesse pour avoir un ordre de grandeur? Donc déjà, l'agitateur, c'est pas vraiment une cuillère bien comme sûr. Dans la tour de dans parce la qu'on est, de café. On est très proche du zéro Kelvin. Oui, c'est ça. On est presque au micro Kelvin. Voilà. Donc il s'agit pas de mettre un bout de métal à l'intérieur. Donc c'est encore une fois de la lumière, l'agitateur. C'est une petite cuillère laser, si vous voulez. Et elle bouge donc à quelques millimètres par seconde, dans un mouvement bien régulier. Et c'est ça qui génère ces très beaux réseaux de tourbillons qu'on avait observés. Dans ce domaine aujourd'hui, sur quoi poursuivez-vous vos recherches, Jean-Denis Barre? Qu'est-ce qu'on cherche encore à extraire comme connaissance de ces condensats de Bose-Einstein? Alors, il y a beaucoup de voies de recherche qui sont ouvertes. Il y a la voie de la métrologie dont parlait Jérôme Bugnon tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'aspect phénomène collectif, c'est-à-dire continuer à mettre beaucoup de particules ensemble, les faire interagir les unes avec les autres, tout en les maintenant à très basse température. Et ça, je dirais, c'est un domaine très vaste qui s'ouvre, qui est ce qu'on appelle le domaine de la simulation quantique. La simulation quantique, c'est quoi? Eh bien, c'est se dire qu'on va, avec nos atomes froids, donc placés dans un paysage, encore une fois, réalisé par des faisceaux lumineux, on va essayer de simuler des situations qu'on rencontre dans d'autres domaines de la physique. Alors, je peux essayer d'être un petit peu plus précis. Une des grandes questions en physique, par exemple, c'est de comprendre la supraconductivité, au moins un certain type de supraconductivité qui a été découvert dans les années 80. La supraconductivité, c'est quoi? C'est quand on prend certains matériaux, si on les refroidit assez, toujours cette idée de faire du froid, hein, si on les refroidit assez, ils conduisent l'électricité sans la moindre dissipation, sans le moindre échauffement. Ça, évidemment, c'est très intéressant hein, sur le plan applicatif. Mais il y a des matériaux supraconducteurs qu'on a du mal à comprendre. Eh bien, l'idée, c'est de se dire, avec nos atomes froids, on va essayer de faire une sorte de simulateur de ces matériaux. C'est-à-dire que là où les électrons bougent dans un paysage qui est créé par les ions du matériau, ou les atomes du matériau, eh bien, nous, on va remplacer les électrons par des atomes. Le paysage, ce ne sera plus les ions du matériau, ce sera la lumière qui va le créer. Alors évidemment, les atomes sont beaucoup plus lourds que les électrons, les échelles de longueur ne sont pas forcément les mêmes, mais néanmoins, on peut faire un dictionnaire de passage entre le matériau supraconducteur et puis nos atomes froids pour poser à nos atomes une question. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à faire le calcul parce que c'est trop compliqué, on va demander à la nature de faire le calcul pour nous sur nos atomes froids, et puis la réponse que la nature va nous donner, si on se débrouille bien, elle sera pertinente pour les matériaux supraconducteurs qu'on cherche à comprendre. Donc ça, c'est le domaine de la simulation quantique. C'est utiliser nos gaz d'atomes pour reproduire d'autres situations mal comprises dans d'autres domaines de la physique. Et je citais les matériaux supraconducteurs, mais un autre exemple, ce sont les étoiles à neutrons. Donc là, c'est vraiment une échelle de longueur radicalement différente. Mais néanmoins, il y a moyen de faire le dictionnaire de passage entre l'étoile à neutrons et puis nos atomes froids. Comment ça pour les étoiles à neutrons? Vous pouvez nous détailler ça un peu? Les étoiles à neutrons, là, ce sont les neutrons qui sont donc des particules qui interagissent les unes avec les autres. Et une étoile à neutrons, c'est très froid. Hein. C'est une étoile en fin de vie quand elle a brûlé tout son carburant. Elle se contracte sur elle-même pour mettre ses neutrons très proches les uns des autres. Et donc, comprendre ce qui se passe dans l'étoile neutron. Est-ce qu'il y a de la superfluidité qui apparaît? Est-ce que les neutrons peuvent bouger les uns par rapport aux autres sans friction? Est-ce qu'il y a des tourbillons quantiques dans les étoiles neutrons? Ça, ce sont des questions qui sont ouvertes. Et nos gaz d'atomes froids permettent, là encore, de réaliser une situation avec ce dictionnaire de passage qui sera pertinente pour comprendre ces étoiles. Vous dites, Jean Dalibard, que alors là, on est dans le domaine de la recherche fondamentale. On parlait tout à l'heure un petit peu des applications. Vous dites, l'un des champs d'application qui vous passionne et que vous attendez avec impatience, c'est la traduction d'une partie de ces recherches pour l'informatique quantique. Dans quel sens? Qu'est-ce que vous attendez justement comme progrès dans ce domaine-là? Donc l'information quantique, là, c'est vraiment un très grand champ de recherche qui s'est ouvert déjà depuis plusieurs années maintenant et qui sort des labos universitaires. Hein. Toutes les grandes compagnies du type IBM, Microsoft, Google s'y mettent avec des moyens considérables. Donc l'information quantique, pour le dire très vite, c'est essayer de tirer parti donc de cette spécificité de la physique quantique qui est ce qu'on appelle le principe de superposition, qu'un objet peut être dans deux états à la fois. Enfin, c'est l'onde de De Broglie hein, qui est derrière tout ça. Essayer de tirer parti donc de cette spécificité pour améliorer radicalement les vitesses de l'algorithme. Alors, je ne sais pas si un jour je verrai un ordinateur quantique au sens des ordinateurs classiques qu'on a, c'est-à-dire avec un clavier et que tout soit quantique. Mais en revanche, on peut imaginer donc que les systèmes d'atomes froids ou d'autres systèmes quantiques puissent constituer des briques dans un environnement et ces briques peuvent accélérer le calcul. C'est-à-dire qu'on peut avoir couplé un ordinateur classique. Imaginons par exemple que, je reviens en arrière, imaginons que je veuille calculer une structure de molécules parce que je veux inventer un nouveau médicament par exemple. Et ça c'est très demandeur en temps de calcul. Donc on peut imaginer qu'un ordinateur classique prépare une certaine configuration possible de molécules. Il s'agit ensuite de calculer l'énergie de cette molécule. Ça c'est trop difficile à faire classiquement avec un ordinateur classique. Donc on prépare une sorte de simulateur quantique qui va fournir la réponse de l'énergie de cette configuration-là. Et une fois que j'ai la réponse à cette question, je réinjecte le résultat dans l'ordinateur classique qui ensuite fait évoluer la configuration pour aller vers une autre configuration, etc. Donc je crois assez à cette imbrication d'objets quantiques, enfin de simulateurs quantiques à l'intérieur de processeurs plus classiques. Et ça, je pense que d'ici une dizaine d'années, on devrait voir ça fonctionner de manière utile, pas simplement des manips de démonstration, mais vraiment des productions de résultats nouveaux. Oui, pas seulement de manière expérimentale. Ouais. Jean Dalibard, on arrive dans les dernières minutes de cette émission. Et écoutez, puisqu'il y a quelqu'un que vous connaissez qui souhaitait vous poser une question. Mon cher Jean Dalibard, en travaillant avec toi, j'ai particulièrement apprécié le calme et la lucidité dont tu as toujours fait preuve pour résoudre les difficultés et les blocages souvent rencontrés dans un travail de recherche. J'aimerais savoir quelle stratégie tu as suivie pour surmonter, toujours avec élégance et efficacité, ces différentes difficultés. Encore bravo Jean pour ce magnifique travail qui t'a valu la médaille d'or du CNRS. Jean Dalibard. Donc, j'ai reconnu évidemment la voix, c'est Claude Quattanucci, et j'ai envie de lui répondre en lui disant que la méthode que j'ai suivie, c'est d'essayer de suivre son exemple. Bon, au-delà de ça, je dirais, c'est toujours difficile de savoir ce que nous on fait qui n'est pas commun aux autres. Moi, je crois beaucoup à la fabrication d'images mentales, c'est-à-dire que quand j'essaie de comprendre un phénomène, j'essaie de le comprendre de plusieurs manières différentes. Je compare souvent ça à la manière dont on peut, si on est alpiniste, monter une montagne. Ben, il ne suffit pas d'ouvrir une voie sur la face sud qui est la plus facile, mais il faut aussi monter par les autres voies. Et c'est seulement une fois qu'on a bien exploré ces différentes voies d'approche qu'on peut dire, ben, ça y est, cette montagne, je la connais. Ben, en général, quand j'ai un phénomène qui m'intéresse et que je comprends mal, j'essaie de l'approcher de beaucoup de manières différentes. Et c'est seulement une fois que je l'ai compris par plusieurs manières que je pense que je me suis approprié l'idée et que je suis prêt à l'enseigner à d'autres, par exemple. Donc, c'est peut-être ça qui donne un peu de sérénité, c'est quand on est sûr de soi parce que on a abordé le problème par différentes facettes et qu'on a consolidé les bases de sa compréhension. Vous êtes alpiniste vous-même ? Non, mais j'aime bien marcher. J'aime bien marcher en montagne, mais pas trop haut quand même. Pour conclure, Jean Dalibard, peut-être une question sur les conditions dans lesquelles vous avez pu faire votre parcours, exercer votre parcours de recherche. Peut-être un mot pour les auditrices et les auditeurs. Et c'est vrai qu'on sait qu'ils et elles sont nombreuses à nous écouter, qui démarrent leur recherche aujourd'hui, qui sont au début, qui commencent dans un contexte qui est certainement très distinct de celui dans lequel vous avez commencé. Qu'est-ce que vous leur diriez si vous vous adressez à eux aujourd'hui? Comment marcher dans vos pas? Ou quels sont les conseils ou les recommandations que vous pourriez avoir pour cette nouvelle génération de chercheuses et de chercheurs? Alors, vous dites chercheuses et chercheurs. Alors, je vais commencer par rebondir sur cette dualité. Je vais m'adresser aux chercheuses, aux étudiantes, disons. Parce que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis toujours désespéré par le très faible nombre d'étudiantes en maths et en physique dans notre pays, mais aussi ailleurs. Et donc, je voudrais dire s'il y a des jeunes étudiantes, des jeunes lycéennes qui nous écoutent, qu'il ne faut surtout pas qu'elles écoutent celles qui ou ceux qui leur disent que la physique et les maths, c'est pas pour elles. Voilà. Il n'y a pas de genre associé à la physique et aux maths, et on peut réussir tout aussi bien en étant une jeune femme qu'un jeune homme. Et maintenant, plus généralement, moi, mon conseil, c'est si vous êtes intéressé par les sciences et la technique comme ça, c'est de continuer à en faire, de faire des études, soit en classe préparatoire et puis en une grande école, soit à l'université, et ne pas hésiter à faire une thèse. Je trouve que faire une thèse, même si on ne veut pas faire une carrière académique après, c'est une école de la vie excellente. Si on veut aller dans l'industrie après, la formation par la recherche est quelque chose qui est vraiment unique. C'est-à-dire qu'on apprend ce qu'est la méthode scientifique, on apprend à travailler par soi-même, on apprend à douter de ce qu'on nous enseigne, on apprend à faire confiance aussi aux autres. Je dirais que si on aime les sciences, il faut en faire autant qu'on peut pendant ses études. Et puis après, on peut aller faire autre chose qu'une carrière académique, bien sûr. Et quel est le conseil pour conclure, Jean Dalibard, le conseil le plus précieux que l'on vous ait donné? Le conseil le plus précieux qu'on m'ait donné, c'est une bonne question. Ne pas se décourager, probablement. C'est ça. Enfin, en tout cas, le travail de chercheur, c'est un travail de longue haleine. Être persévérant. Persévérant et aimer ce qu'on fait, bien sûr. Ce sera donc les mots de la fin. Merci beaucoup, Jean Dalibard, d'avoir été avec nous tout au long de cette heure. Merci. Je rappelle qu'on peut se procurer votre leçon inaugurale Atomes et rayonnement qui est disponible aux éditions du Collège de France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et encore félicitations pour votre médaille d'or du CNRS. Merci à vous. La méthode scientifique, c'est Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, Mariam Ibrahim, Amel Boucherka, Céline Lozen, Natacha Trioune, Émile Naguet de Saint-Vulfranc, Alexandra Delbo, Olivier Bétard, réalisation et Ariane Berki à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr, à tout jamais jusqu'à la fin des temps, si tant est que le temps finisse un jour.